Katiana. Kade ki jan wale kite mwen, Katiana. Pou ki rezon abandone mwen, Pabliye. Tout bel parol te kon pale, bel promes ou te kon fem, tout gatrou te kon ban mwen, ou la kem pou m de peri. Tout mon bon te kon pase, sou pas tou kon endure, ma pante si ou pas songe. E ya non kere, ke yo la sele, ke no la busque, ni ke me le pegue. E ya non kere, ke yo la sele, ke no la busque, ni ke me le pegue. Inspiration moi. Ella no quiere que yo la cele, que no la busque ni que me le pegue. Ella no quiere que yo la cele, que no la busque ni que me le pegue. Pago tes amis pour qui t'aime, c'est mauvais conseil à pago. La te con paleo, ou te toujours dis moi toujours un même. Fâché pour longtemps, nous toujours d'amour tout côté. Gati ma chérie, tout temps m'a demandé où ça me café sans vous. Ella no quiere que yo la cele, que no la busque ni que me le pegue. Ella no quiere que yo la cele, que no la busque ni que me le pegue. Sentimiento. Ella no quiere, no quiere, no. Ella no quiere, no quiere, no. Ella no quiere, no quiere, no. Yes, man. Ella no quiere, no quiere, no. Katiana Belfort, moi. Petit bon connard, moi. Même la map dormi, c'est toujours vous même que moi. Ella no quiere, no.